La guerre dans la peau. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Quatrième épisode. La guerre, c'est celle que les Américains ont menée en Irak entre 2003 et 2011. La peau, c'est celle des combattants qui transpirent les combats, les explosions, la mort des insurgés et celle des compagnons d'armes. Mais aussi l'attente, la peur, l'ennui. Rentrés au pays, les soldats s'aperçoivent que la guerre est rentrée avec eux. Elle loge dans leur crâne, sous leurs ongles, dans leur peau. Ils se croyaient aguerris. Ils sont devenus incurables. C'est cette maladie qui ronge l'âme et le corps des hommes sous l'uniforme qui résonne dans ce cœur de voix. Sur le trajet du retour d'Irak, des soldats américains s'arrêtent sur une base US en Allemagne. Parmi eux, John Bartel. Il s'était juré de ramener vivant son pote Murphy. Une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Murphy est mort sous ses yeux. Désœuvré, attendant son départ pour les États-Unis, Bartel pousse la porte d'une église. L'édifice était ancien. Le soleil avait tourné et ses rayons filtraient à travers les vitraux rouges et bleus qui semblaient flotter entre l'abside et la nef, très haut sous les voûtes, au niveau des chapiteaux richement sculptés. Les piétinements des enfants soulevaient la poussière qui restait étrangement suspendue dans la lumière. À l'extrémité de l'église, derrière l'autel, un prêtre se préparait pour un office. Je l'observais tandis qu'il rassemblait des bougies et de l'encens et les disposait soigneusement sur une petite table derrière lui. La guide fit signe à son groupe de s'arrêter. D'un geste, elle désigna sa bouche, puis ses oreilles, puis ses yeux, comme pour embrasser sa voix, son ouïe et sa vue. Nous ne bougions plus, la guide, les enfants et moi. Ce qui attira l'attention du prêtre. Puis les gosses s'éparpillèrent, la plupart gloussant et chahutant, tandis que d'autres s'extasiaient devant les portraits des saints dont je lus les noms dans le dépliant. Je tentais de m'imaginer enfant en train de les découvrir. Il y avait le magnifique Sébastien, la poitrine transpercée de flèches. Le sang coulait de ses plaies, éclaboussures de cire durcie et figées qui seules permettent à un homme de rester suspendu à un mur d'église agonisant pendant 1000 ans. Il y avait Thérèse, gémissant comme une femme qui atteint l'orgasme sous le feu de ses blessures. Et aussi le saint curé d'Ars, l'insoumis, le soldat qui déserta l'armée de Napoléon pour écouter des confessions 20 heures par jour et dont le cœur repose à Rome, dans une simple boîte en verre, en parfait état, sinon qu'il ne bat plus. Dans l'atmosphère froide de la cathédrale, les enfants s'émerveillèrent. Leurs souffles s'élevèrent, opaques, telle une voix unique qui resta brièvement suspendue au-dessus de nos têtes, avant de s'évanouir. J'entendis claquer leurs petits talons contre le sol en pierre. Je levai les yeux vers les voûtes, vers les peintures des saints, vers les délicats ornements qui semblaient parcourir l'endroit comme de la vigne vierge sauvage, et je lus. Tout ce qui ressemble à de l'or est véritablement de l'or. Je me le dis intérieurement. En Irak, pendant la guerre, côté américain. Aujourd'hui, on a zigouillé un groupe d'insurgés et puis on est allé déjeuner à la cantine de Fallujah. J'ai pris du poisson avec des haricots de Lima. J'essaie de manger sainement. À table, tous les neuf, on n'arrête pas de sourire et de rire. Je ressens encore une grande nervosité en moi après toute cette excitation. Je souris tout le temps et je me tords les mains en faisant tourner mon alliance sur mon doigt. Je suis assis entre Verstappen, notre numéro 1, et Jewitt, qui est dans l'équipe des munitions avec moi et Bollander. Verstappen a pris une grande assiette de raviolis et des pop-tarts, et avant de donner un premier coup de fourchette, son regard fait le tour de la table. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'on ait enfin eu une vraie mission d'artillerie, les gars. Il était temps qu'on tue quelqu'un, Vorstad. Bien dit, Sanchez. Ça fait rire le sergent Dietz. Même moi, je rigole. Un peu. Ça fait 2 mois qu'on est en Irak, et on est une des rares unités d'artillerie qui fasse vraiment de l'artillerie. Sauf que jusqu'à maintenant, on n'a effectué que des tirs d'éclairage. Les gars de l'infanterie, généralement, ils n'ont pas envie de courir le risque de dommages collatéraux. Parmi les autres canons, certains avaient déjà tué des méchants. Mais pas nous. Pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la foutue batterie a tiré. Et on sait qu'on a fait mouche. C'est le lieutenant qui l'a dit. Jewett, qui est resté plutôt silencieux, demande... Combien d'insurgés vous pensez qu'on a tué, sergent ? Un groupe de la taille d'une section. Quoi ? De la taille d'une section ? Sergent, Al-Qaïda n'a pas de section en Irak. Ah ouais ? Alors pourquoi tu penses qu'il a été nécessaire de faire tirer toute une foutue batterie ? C'était pas nécessaire. Chaque canon n'a tiré que 2 obus. J'imagine qu'il voulait seulement qu'on ait l'occasion de tous tirer sur une vraie cible. Sans compter qu'un seul obus de ces putains d'ACM serait suffisant pour zigouiller toute une section en plein désert. La batterie tout entière, c'était absolument pas nécessaire. Mais c'était chouette, hein ? Bolander, tu me les presses. Un groupe de la taille d'une section, voilà ce que c'était. Et il a fallu 2 obus par canon pour le détruire. Mais je parlais pas de la batterie tout entière, je voulais dire notre canon. Combien on en a tué, nous ? Juste notre canon. Et que tu veux que j'en sache ? Bah, c'est pourtant ça. La taille d'une section, ça fait 40. Compte 6 canons, tu divises, ça fait 6. Enfin, 6 types,6 par canon. Ouais, on a tué exactement 6,6 types. Sanchez, sors ton carnet, calcul mental. Tu divises ça par 9 marines au canon. Ouais. Et donc, toi, personnellement, aujourd'hui, tu as tué 0,7 et quelque chose. Oh. Bah, ça fait, disons, un thorax et une tête. Oh. Ou peut-être un thorax et une jambe. C'est pas drôle. Je m'ennuyais chez moi. Ça fait sûrement plus que ça pour nous. On est les meilleurs tireurs de la batterie. C'est vrai. Ouais. Tout ce qu'on a fait, c'est tirer en fonction du cadran et de la déflexion communiquée par le centre de commandement, sergent. Je veux dire que nous... Bolander, on tire mieux. On te met un obus dans un terrier de lapin à 30 km. Le meilleur. Mais même si on a touché la cible... On a touché notre cible. D'accord, sergent, on a touché la cible. Mais les autres canons, leurs obus ont très bien pu frapper l'ennemi avant les nôtres. Peut-être que tout le monde était déjà mort. Je me représente la scène. Les éclats d'obus s'enfonçant avec un bruit mat dans des corps mutilés, les membres s'agitant dans tous les sens sous la force des impacts. Écoute, Jewett, même si leurs obus ont touché les ennemis en premier, ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde était mort. Peut-être qu'un insurgé avait reçu un éclat dans le thorax, tu vois, qu'il était en train de... Oh, c'est dégueulasse. Et puis notre obus lui tombe dessus, boum, et lui emporte sa putain de tête. Il était déjà mourant, mais la cause de la mort, ça serait pas éclat d'obus dans la poitrine, ça serait pulvérisé par l'explosion. Ah voilà, ça c'est précis. J'imagine que ouais. Mais moi j'ai pas l'impression d'avoir tué quelqu'un. Je pense que si j'avais tué quelqu'un, je le saurais. Non, Joey, tu le saurais pas. Pas tant que t'aurais pas vu les corps. D'ailleurs, c'est mieux comme ça. Ça vous fait pas bizarre à vous d'être en train de déjeuner comme ça, tranquillement, après notre première mission ? Eh, il faut bien bouffer, non ? Moi, je me sens bien ! On vient de tuer des méchants ! Bah, y a pas à dire, Vorstadt, c'est bien ! Moi, je pense pas avoir tué quelqu'un. Mais techniquement, c'est moi qui ai tiré sur le cordon. C'est moi qui ai fait feu ! T'as juste chargé la pièce, toi. Mais comme si j'étais pas capable de tirer sur le cordon. Ouais, mais tu l'as pas fait ! Oui, non, mais on s'entend pas de votre cordon. C'est une arme servie par une équipe. Il faut une équipe de servants. Ouais, c'est vrai. Sergent, si on utilisait un obusier pour tuer quelqu'un chez nous aux États-Unis, je me demande de quel crime on serait accusé. De meurtre ? Mais t'es con, c'est moi. Oui, de meurtre, bien sûr, mais en ce qui concerne chacun de nous séparément, à quel degré ? Je veux dire, Bolander, Jewett et moi, on a chargé la pièce, d'accord, mais si je chargeais un fusil M16, et si je le passais à Vorstadt et qu'il tuait quelqu'un avec, moi je dirais pas que j'ai tué quelqu'un. Oh, oh. C'est une arme servie par une équipe. Une arme servie par une équipe. C'est différent. Ouais, et je l'ai chargé. Mais on a reçu les obus du dépôt de munitions. Est-ce qu'ils ne devraient pas être responsables aussi, les marines du dépôt ? Ouais, pourquoi pas le dépôt de munitions ? Ah bah ouais, pourquoi pas les ouvriers qui ont fabriqué l'obus ? Ah, et pourquoi pas les contribuables qui l'ont payé ? Bah ouais, bah et pourquoi pas ? Mais vous êtes vraiment trop cons, quoi ! C'est vrai que c'est le lieutenant qui a donné l'ordre. Ce serait retenu contre lui dans un tribunal, non ? Ah ouais, tu crois ça ? Tu penses que les officiers portent le chapeau ? Ça fait combien de temps que t'es dans les marines ? Pas longtemps, apparemment. Bon, écoutez... On est la pièce d'artillerie numéro 6. On est responsable de cette pièce. On vient de tuer quelques méchants, avec notre canon, nous tous. Et on a fait du bon boulot pour aujourd'hui. Mais j'ai toujours pas l'impression d'avoir tué quelqu'un, sergent. Ouais. Bon, alors, nous tous, sauf toi, Joët. Quand on sort de la cantine, je sais pas quoi faire. Pendant ce temps, le prêtre avait quitté l'hôtel. Je fus surpris de le voir se tenir devant moi comme je refermais le prospectus. Il était petit, portait des lunettes à monture dorée et me regardait en souriant, bouche fermée, le genre de sourire qui exprime soit l'empathie, soit la condescendance. Vous ne pouvez pas fumer ici. Quoi ? Merde, pardon, je m'étais même pas rendu compte que je l'avais allumé. Je peux peut-être vous aider. Non, non, je voulais juste visiter, je suis en permission. L'histoire de cette église est intéressante, n'est-ce pas ? Ouais, oui, oui, c'est clair. Je suis le père Bernard. Bartel, soldat Bartel. Enchanté, soldat Bartel. Je vous en prie. Asseyez-vous. Hein? Je peux être honnête avec vous? Bien sûr. Hein? On dirait que quelque chose vous tracasse. Me tracasse? Oui. Vous avez l'air accablé. Je sais pas, moi. Je crois que ça va pourtant. J'ai de l'expérience, vous savez. Nous pourrions parler si vous voulez. De quoi ? À vous de décider, je vous écouterai. Je sais pas, mon père. Je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Je suis même pas catholique, moi. Il n'y a pas besoin d'être catholique. J'ai fait le vœu d'écouter ce que les gens ne peuvent pas dire aux autres. C'est tout. C'est sûrement bien. Ce que vous faites, je veux dire. Il y a un vieil adage pour les situations comme celle-ci. C'est quoi ? Les secrets que l'on garde pour soi sont les plus lourds à porter. Il y a des adages pour tout, non ? C'est vrai. Vous voulez dire que je devrais me confesser, c'est ça ? Oh, enfin, pas forcément. Juste parler. J'ai fait une erreur, c'est tout. Tout le monde en fait. Non, pas tout le monde. Pas vraiment. Les enfants et leur guide avaient quitté la cathédrale. Il faisait sombre à présent dans la faible lumière des bougies, des lampes et des vitraux. Je m'appuyais contre le dossier du banc et il resta légèrement à distance. Je songeais à quel point c'était étrange d'être ici, dans les lueurs vacillantes, le froid et l'humidité. Je me sentis étranger, profondément. Terriblement étranger. J'eus envie de m'enfuir en courant. Mais je demeurai immobile. Merci, mon père, mais... Il faut que j'y aille, hein. Si je rentre pas tout de suite, je vais vivre un enfer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voulez-vous que je prie pour vous ? J'avais pensé qu'il y aurait au moins une certaine noblesse dans la guerre. Je sais qu'elle existe. On raconte tant d'histoires, il faut bien que certaines d'entre elles soient vraies. Mais je vois surtout des hommes ordinaires, essayant de faire le bien, abattus par l'horreur, par leur incapacité à apaiser leur propre rage, par les airs virils qu'ils affectent et leur prétendue dureté. Leur désir d'être plus implacable et par conséquent plus cruel que la situation dans laquelle ils se trouvent. Pourtant, j'ai la sensation que cet endroit est plus sacré que mon pays. Mon pays, voué à la surconsommation et à la sexualité effrénée, matérialiste, gros, gras et glouton, où nous sommes trop paresseux pour voir nos propres défauts. Ce soir, La lune est incroyablement belle. Mais Para m'a dit, il est bien étrange que des gens vivent dans un tel endroit. J'avais un ami. J'ai un ami pour lequel vous pouvez prier. Qui est-ce ? Daniel Murphy, mon frère d'armes. Il a été tué à Altafa. Il est mort. Peu importe. La cathédrale était à présent plongée dans la pénombre. Seuls quelques halos luisaient autour des bougies et des lampes. Pourtant, Murph était là, flottant dans un méandre du Tigre, passant dans l'ombre de la butte où Jonas était enterré. Ses yeux n'étaient plus que des trous pleins d'eau, les poissons ayant déjà commencé à grignoter sa chair. Je me suis senti obligé de me souvenir de lui précisément, car la mémoire est porteuse de sens, et personne d'autre ne saurait jamais ce qui s'était passé, peut-être pas moi-même. Je n'y arrive toujours pas vraiment. Lorsque j'essaie de m'en rappeler dans le détail, je n'y parviens pas. Lorsque j'essaie d'oublier, le souvenir revient d'autant plus vite, avec d'autant plus de force, sans trêve. Et alors ? J'ai ce que je mérite. Et pour quoi devrais-je prier ? Je repensais à Sterling. Qu'ils aillent se faire foutre. Merci, mon père. Vous pouvez prier pour ce que vous voulez, j'imagine. Pour tout ce qui vous semblera ne pas être une perte de temps. Je sortis dans les rues pavées, tête baissée. Je suis sûr que les gens me remarquèrent, car j'entendis quelques réactions d'étonnement tandis que je marchais, mais je ne levais pas les yeux. J'en éprouvais pas le besoin. Je n'avais plus aucun lien avec les autres. Maintenant, alors que je me tiens debout devant les tubes des canons qui pointent sous un ciel d'un bleu parfait, j'ai du mal à croire que tout ça ait pu se produire. Pas la moindre particule de ce matin ne reste attachée à notre canon. Le sergent Dietz nous l'a fait nettoyer une fois la mission terminée. Un rituel en quelque sorte pour notre premier mort en tant que pièce d'artillerie numéro 6. Nous avons démonté le refouloir et l'écouvillon, attaché les deux manches ensemble avec au bout une brosse à tube que nous avons trempée dans du liquide nettoyant et lubrifiant. Et puis on s'est tous mis derrière le canon et tenant le manche tous ensemble, nous l'avons enfoncé dans le tube. Et nous avons répété ce processus et des coulées noirâtres de liquide nettoyant et de carbone se sont mises à dégouliner, serpentant le long du manche et nous souillant les mains. On a continué jusqu'à ce que notre canon soit impeccable. Il ne subsiste donc ici aucune indication de ce qui s'est passé. Mais je sais qu'à 20 km au sud, il y a un énorme cratère criblé d'éclats d'obus, avec des bâtiments en ruine, des véhicules calcinés et des cadavres disloqués. Les corps. Le sergent Dietz en avait vu lors de sa première mission au cours de la première invasion. Personne d'autre parmi nous n'en avait déjà vu. Quelque part, il y a un cadavre étendu sur le sol, en train de blanchir au soleil. Avant d'être un cadavre, c'était un homme qui vivait, respirait, et qui peut-être assassinait, voire torturait. Le genre d'homme que j'avais toujours eu envie de tuer. Quoi qu'il en soit, un homme mort, sans aucun doute. Il y a bien longtemps à présent que tout ça s'est produit. Mon sentiment de perte s'estompe lui aussi, et je ne sais pas en quoi il se transforme. Il vieillit pour une part. Sachant que Murph, non. Lui, je le sens s'éloigner dans le temps. Et je sais qu'il y aura des jours à l'avenir où je ne penserai plus à lui, à Sterling ou à la guerre. Pour l'instant, néanmoins, j'ai été libéré. Et je me suis offert une petite retraite dans une cabane sur les collines, au pied des Blue Ridge Mountains. Parfois, je sens l'odeur du tigre immuable dans ma mémoire, flottant précisément comme elle le faisait ce jour-là. Mais très vite, l'air frais et limpide qui descend des montagnes reprend le dessus. J'ai à nouveau l'impression d'être ordinaire. J'imagine que les jours deviennent normaux. Les détails du monde dans lequel nous vivons sont toujours secondaires par rapport au fait que nous devons vivre avec. Ainsi, je suis banal, à l'exception des quelques particularités qui me caractériseront probablement toujours. Je ne veux pas parcourir le globe, aller voir de l'autre côté de l'horizon. Je ne veux pas du désert. Je ne veux pas des prairies ni des plaines. Je ne veux rien de plat. Je préfère contempler les montagnes ou avoir la vue bouchée par des arbres de n'importe quelle espèce, des pins, des chênes, des peupliers ou autres. Je veux quelque chose d'organisable et de fini qui peut morceler la terre en parcelles suffisamment petites pour savoir quoi faire avec. Lorsque la mère de Murph vint me rendre visite, elle apporta une carte d'Irak. Je pensais que c'était un geste étrange quand je la regardais, la pliant et la repliant pour essayer d'aplatir les plis arbitraires qu'elle formait alors que je tentais de l'accrocher au mur durant la nuit. Dans un coin, il y avait une fenêtre qui représentait un plan agrandi d'Altafar et de ses environs. Cela cessa d'être drôle au bout d'un moment. L'échelle semblait si étrangère à la réalité, si imprécise. Juste un endroit disproportionné sur une carte. C'était La guerre dans la peau. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. Avec Quentin Bayou, Frédéric Pierrot, Martial Jacques, Valentin de Carbonnière, Luc-Antoine Diquero, Yvon Martin, Antoine Berry-Roger, Philippe Bautier, Farid Bouzénade, Pauline Ziadé et Maya Bokeh. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale et conception sonore, Dominique Massa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Mathieu Nombo-Poati. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Félix Blum. Les textes sont extraits de Yellow Birds de Kevin Powers, traduit par Emmanuel et Philippe Aronzon, publié aux éditions Stock, et de Fin de mission de Phil Clay, traduit par François Happ, publié aux éditions Gelmeister.